Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler du Canadien de Montréal et de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey avec notre ami Joe Hardy. Salut Joe! Salut, jeune homme. Hey Joe, 22 000 $ pour chaque joueur qui sont atteints de commotion cérébrale, c'est une joke. Bon, c'est sûr qu'on ne connaît pas tout le dossier, là, mais si on compare ça avec la NFL, c'est pas beaucoup. Là. Ouais. J'ai pas le nombre exact de joueurs qui ont appliqué pour cette demande-là, mais c'est pas beaucoup. Mais encore une fois, dépendamment, puis là, ils ne sont pas assurés d'avoir exactement le montant parce que faut qu'ils repassent un autre test avec les médecins de la Ligue nationale ou je sais pas trop. J'entendais ça hier à Sportsnet. Là, c'est même pas décidé encore officiellement. Là. Oui, on parle de millions de dollars, là, mais ça va donner à peu près quoi, 22 000, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est-tu ça après l'avocat? C'est-tu après... après que les avocats ont passé ou après impôt? Ben, parce que là, c'est un chèque. C'est sûr que là, il y a certains États américains, c'est quand même. Il n'y a quasiment pas d'impôt, sauf qu'il va passer. Il va passer après l'impôt, par ça, j'imagine. Ouais, puis en même temps, ben, entre toi et moi, quand tu reçois un chèque, que ce soit de qui ça voudra, ça t'ajoute à tes revenus, fait que tu payes l'impôt automatiquement. Oui, effectivement. À quelque part, là, ça va s'ajouter au revenu du gars, du joueur en question. Mais non, quand on compare avec la NFL, là, c'est pas beaucoup d'argent. Là. Dans la NFL, si ma mémoire est bonne, la moyenne était à peu près 300 000 $ par joueur. Là. C'est pas 170 000, je pensais que c'était 170 000. Ben, il me semble que j'ai entendu, moi, parce que hier, c'était le sujet de conversation à l'émission de Bob McCown à Sportsnet, puis il me semble qu'il parlait de 300 000 par joueur. Là. OK. Donc, c'est ça, fait que c'est quand même un... Disons que c'est curieux parce que, tu sais, il y a des gars, moi, je voyais ou j'entendais Eric Lindros, son frère également. C'est des gars qui sont... En bon québécois, sont maganés, là, tu sais. Il veut dire, ça les a poqués pour le restant de leur jour. Il y a des gars qui ont beaucoup de difficultés. Il y en a qui dorment mal. Il y en a qui ont de la misère, ils peuvent même plus conduire. Tu sais, il y a un paquet de facteurs. Ben, il y a eu des suicides aussi, Derek Bogart. Ben, John Cordy, il était pas tout à lui à cause de ça. T'as Joe Murphy, l'histoire de Joe Murphy. Il y en a plusieurs. C'est parce que quand on regarde ça, j'ai vu l'histoire justement de Joe Murphy. Là, c'est pas beau. Là. T'entends ça, puis tu te dis, puis tu sais, quand on côtoie des anciens joueurs, les gars se disent, on est chanceux d'être comme on est. Là, on n'était pas équipés comme aujourd'hui, puis les casques, puis le kit. Il n'y avait pas aussi le vouloir aussi, puis les connaissances aujourd'hui non plus. Là. Non, ça c'est sûr. Puis en plus, ben, c'est que dans le temps, ce qu'il faut dire par contre, c'est que moi, je pense pas qu'il y en a eu autant que dans les dernières années parce que les joueurs étaient plus prudents. Tu sais, j'en parlais récemment à quelqu'un. Tu sais, moi, je l'ai vu et entendu souvent quand tu étais pour te faire frapper, tu étais dans une mauvaise posture, le gars qui allait te frapper, il te lâchait un cri « watch out », tu sais, parce qu'il voyait que tu l'avais pas vu. Alors que, tu sais, je prends l'exemple que je voyais la reprise hier du joueur de Washington, dont j'oublie le nom, là, qui était suspendu. On voyait sa dernière mise en échec. Il aurait pu tuer le gars, tu sais. Ouais. Il a sûrement pas crié avant d'arriver, tu sais. Fait que, à quelque part, là, moi, je pense qu'il y en a qui ont des grosses séquelles, tu sais. Les premières fois que j'ai entendu qu'il allait en cours avec ça, puis que la quitte, je trouvais ça exagéré un petit peu, mais je pensais pas que les gars avaient des séquelles de même, tu sais. On a entendu toutes sortes d'histoires, les gars sont vraiment maganés. Là. Non, effectivement. Là, on regarde. Mais la NFL aussi, ils ont beaucoup plus les moyens. Film Concussion. Je sais pas si tu l'as vu le film là avec qui était il y a 2 ans, qui a passé. Quelque part, ça l'a aidé beaucoup, ça, j'imagine, au lobby qui avait derrière ça. Faut bien se dire une chose aussi, c'est que c'est beaucoup plus fréquent et plus dangereux pour une commotion au football que ça l'est au hockey. Là. Mm-hmm. Il se frappe continuellement la tête après après le corps de l'autre joueur. Là, je veux dire, qu'on le veuille ou non, là, c'est toujours la tête qui rentre en premier. Ils ont beau essayer de rentrer l'épaule gauche ou l'épaule droite, là, la tête est, elle dépasse les épaules. Là, fait que c'est la tête qui frappe. Là. Oui, effectivement. Fait que donc c'est, écoute, je vais essayer de rejoindre Guillaume Latendresse ou Simon Gagné, quelqu'un qui Je sais pas eux autres, mais je sais pas s'ils sont vraiment renseignés. C'est parce que j'ai pas l'impression que c'est terminé encore. Là, ouais. Il semblait dire que là, tu sais, ils ont parlé d'un montant d'argent, mais là, encore là, quand tu vas être pour avoir le montant d'argent, si j'ai bien compris, là, parce que je n'ai manqué des bouts, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je n'ai manqué des bouts. Mais si j'ai bien compris, c'est qu'avant de l'avoir, le chèque, il va falloir que tu passes un autre test. Puis là, c'est avec les médecins de la Ligue nationale. Là. Mm. Les joueurs avaient peut-être leur médecin, mais là, la Ligue nationale, avant de payer, vont peut-être dire tu passes un test avec nos médecins. Là. Ouais. C'est tout ça. Là. Hey, Joe, question. Si question que je veux savoir aussi. Hier, au 91-9, on posait la question le prochain joueur du Canadien à être mis au temple de renommée, c'est qui? Moi, je vais te dire en affaire, il y en a pas. Il y en a un qui mériterait, mais je pense qu'il y en a deux, c'est-à-dire qui mériteraient d'être admis au temple. Ils ne seront pas, parce que s'il y aurait eu à être admis, il l'aurait été. Je pense à Jean-Claude Tremblay. Jean-Claude Tremblay, c'est une vraie joke. Et Jacques Demers. Si Roger Nielsen est au temple de la renommée, pourquoi Jacques Demers ne l'est pas? Ouais, c'est parce que, d'abord, un, pour répondre à ta question, c'est parce que probablement que Nielsen a été plus longtemps dans la Ligue nationale. Je peux pas te dire, là, oui, Jacques Demers a gagné une coupe cette année, mais moi, quand même, Jacques Demers a quand même eu pas mal de, regarde ses chiffres, ça ne doit pas être une grosse différence avec Roger Nielsen. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, c'est ça que j'allais te répondre. On n'a pas eu la chance de se parler de ce sujet-là avant. Moi, personnellement, je suis un anti-Hall of Fame. C'est Hall of Fame, pour moi, là. Ou je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais pour moi, Hall of Fame, là, il faut t'échanger quelque chose. Faut que, tu sais, là, je vais te prendre ça dans mon air à moi. Mm. Exemple, moi, quand j'ai commencé, le Rocket venait de finir. Mais qui, tu sais, le Rocket, Richard, là, il a fait quelque chose que personne n'a oublié. Si je te demandais de me nommer 25 joueurs qui sont au Hall of Fame, peut-être pas à toi parce que tu suis beaucoup de sport, mais à Joe, tout le monde, là, il n'y a pas personne qui va t'en nommer 25. Alors que Maurice Richard, si tu en parles demain matin, si tu parles de Gordie Howe... Patrick Roy. Si tu parles de Patrick Roy... Tu sais, là, moi, pour moi, là, puis quand je faisais de la radio, ça fait quelques années que je faisais à plein temps, moi, je disais, pour moi, le Hall of Fame, c'est comme un garage municipal. C'est rendu, tout le monde va là, là. T'sais, surtout au hockey, 4... surtout au hockey. Pas... Ben, ça n'a pas d'allure, surtout là. Surtout au hockey, au baseball, moins. Au football, je ne sais pas les critères. Je sais que les joueurs qui sont admis, normalement, c'est des gens qui le connaissent, mais ceux qu'on connaît plus, c'est le baseball puis le hockey. Je vais te donner un exemple. C'est pas méchamment, là. Je l'aimais comme joueur. Je l'ai trop pris dans mon pool. J'ai dit, Martin Saint-Louis, j'ai rien contre lui, là. Mais entre ça et Hall of Fame, il n'a pas changé rien dans le hockey, Martin Saint-Louis. Oui, il est petit, là, mais Henri Richard était petit aussi, là. Tu sais, moi, je pense que, exemple, il n'a pas une tonne. Là. Hall of Fame, il faut que ça soit précieux. Là, exemple, pour me répéter, Maurice Richard, Gordie Howe. Et là, tu tombes dans Gretzky, tu tombes dans Lemieux. C'est des gars qui ont apporté quelque chose que personne n'oublie. T'sais, Mario Lemieux, tu t'envoies à Delbeau le matin dans n'importe quel bar, tu nommes le nom de Mario Lemieux, ils vont le connaître. Tu dis Mark Recchi, ils vont dire, c'est qui ça? Moi, pour moi, Hall of Fame, c'est ça. C'est Glenn Hall, là. Tu sais, comme toi, c'est sûr, tu suis le sport, tu te rappelles de Glenn Hall, même si tu l'as pas vu jouer. Ouais. Terry Sarkchuk, après ça, là, t'as tombé dans un bon gardien. Est-ce que Martin Brodeur, tant que ça, mérite d'être là? Martin Brodeur, tu as gagné quelques coupes cette année. Mais tu sais, entre ça, moi, pour moi, il faut choisir en Hall of Fame. Okay. Tu prends-tu Brodeur, tu prends-tu Roy, tu prends... Alors, tant que ça, Patrick. C'est qui tu prends, là, tu sais, à quelque part. Il peut pas en avoir 50 Hall of Fame, selon moi. Ils sont rendus à peu près 400, là. Toutes des Hall of Fame, là. T'sais, Anderson qui a joué Gretzky, Edmonton, des Hall of Fame. Ben oui, mais là, tu sais, à quelque part, le Hall of Fame, c'était Gretzky, là. C'était pas tout le monde, là. Tant qu'à ça, je vais poser une question, parce que tu suis le baseball, là, aussi, puis tu poses ça. Est-ce que Philippe Alou mériterait d'être au temple de la renommée? Philippe, il n'y a pas les chiffres. Par contre, je suis en train de lire sa biographie. Puis je peux te dire, en effet, il a inspiré un paquet de Dominicains. C'est lui qui a, traversé. Serait... Peut-être pas comme joueur bâtisseur, par exemple. Je serais... Mais c'est ça, là, ça dépendrait dans quel... C'est juste encore l'autre affaire. Là, ils sont rendus que les Hall of Fame, c'est une catégorie. Là, OK, comme exemple, Batman, il est Hall of Fame. OK, on va le prendre, là, Batman. Mais tu sais, en... oui, il a amené quelque chose à la Ligue nationale. Mais là, il y a... Moi, là, tu sais, comme Philippe Allou, je l'ai toujours aimé, Philippe Allou, quand il était avec les Expos, c'est un manière avec les Expos. Mais en même temps, pour toi puis moi, Philippe Allou, c'est pas Hall of Fame, là. Non, pas comme joueur. Pas comme joueur. Non, mais il est Hall of Fame pour sa population à lui, sa race à lui, là. Mais c'est pas Hall of Fame overall. Overall, là, tu sais, il m'a donné un nom que tout le monde va connaître. Mickey Mantle, là. Oui. C'est un Hall of Fame à travers le monde entier, là. Tu sais. Alors que Philippe, pas sûr, si tu prononces son nom n'importe où, ils vont le connaître. Mais Philippe, en République dominicaine, c'est une icône. Ah, ben oui, ben oui. Il y a eu un impact, si tu l'as dessus, il a même impact que Jackie Robinson. Ah non, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, le consensus de tout ça, moi, je veux en venir. Ouais. Pour moi, là, je te parle pour moi, là. Je dis pas que j'ai raison. Pour moi, Hall of Fame, là, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. Tu sais, Gordy Howe, j'ai eu l'occasion de jouer contre, mais j'avais eu une photo autographiée de lui. Mais pour moi, le Gordy Howe, si tu le regardes, là, c'est Hall of Fame, Hall of Fame. Oui, Maurice Richard, moi, j'ai jamais été un grand partisan du Canadien, mais Rocket, là, j'avais un chandail numéro 9, moi, là. Tu sais, je veux dire, qui... Toi, t'es jeune encore, là, mais le Rocket, qui ne connaît pas Maurice Richard, là? Est-ce que Guy Lafleur mérite tant qu'à ça? Est-ce que Jean Béliveau mérite? Jean Béliveau, moi, la question que j'ai déjà posée pour Jean, puis Jean Béliveau, c'est un gars super. Mais moi, Jean Béliveau, la question que je pose, tu sais, c'est un super bon joueur. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer contre un peu, puis... Mais s'il avait joué à Toronto, serait-ce un Hall of Fame? Ben, Toronto, oui, parce que Toronto a autant de médiatique. Pas autant que tu es au Québec, là, Jean. Je vais te poser une question. Continue, puis après ça, on va te poser une question qui a rapport avec ça. OK, continue. Parce que, tu sais, là, dans le fond, faut faire attention. Tu sais, c'est un peu comme à Montréal, admettons, ils nous ont dit, depuis une couple d'années, que Carey Price était le meilleur gardien. C'était ça ma question. Est-ce que Carey Price garde les filets des Hurricanes de la Caroline? Est-ce que Carey Price est vu par tout le monde comme le meilleur gardien de but au monde? Ben, c'est sûr que je te répondrai, tu réponds à ma question. Ouais. C'est que c'est sûr que d'être vu par tout le monde comme le meilleur gardien au monde, je suis pas certain. C'est sûr qu'à Montréal, à Vancouver, à New York, pas à New York, mais à Toronto, à Calgary, au niveau canadien, les équipes canadiennes, les joueurs, on les connaît un petit peu plus. Mais à quelque part... tu sais, Carey Price en Caroline, comme tu dis, mais moi, Carey Price, j'enlève rien. C'est un excellent gardien de but dans ma tête à moi. Mais, à quelque part, entre ça, puis dire qu'il est le meilleur gardien au monde, d'abord, moi, je te répondrais, là, entre toi puis moi, puis je te la pose en même temps, question, c'est qui le meilleur gardien? Admettons que c'est pas Price. Admettons que moi, je te réponds, je pense pas qu'il l'est. Si tu me poses la question, c'est qui le meilleur gardien au monde? Je l'ai pas en réponse. Je sais pas, c'est qui le meilleur gardien au monde? Moi, il me semble qu'il y en a plusieurs bons, là, à peu près pareil. Tu sais, Quick, il n'y en a pas un de dominant comme dans le temps, c'était Martin Brodeur. C'était évident que c'était Martin Brodeur. C'était évident que c'était Dominique Hachek. C'est ça que j'allais te nommer le nom suivant. Dominique Hachek, Jacques Plante. Là, moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans les dernières années de Jacques Plante. Mais pour moi, c'est ça, les Hall of Fame. Tu sais, à quelque part, Patrick Roy, là, ce qu'il a fait l'année que Canadien a gagné la Coupe Stanley avec Jacques Demers, là, les matchs en sortant, puis tu le quittes. Et je pense qu'il en avait gagné 10, Patrick Roy a dû en gagner 9. Non, mais c'est surtout parce que le style papillon qu'il a développé, qui a été copié par plusieurs par après. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je suis mal placé pour parler du Hall of Fame. Parce que je suis pas un. Tu sais, à quelque part, moi, ça me fait de la peine de voir autant de joueurs de même. Il me semble que ça abaisse le sport. Puis pas les joueurs, là. C'est pas eux autres qui le demandent d'aller au Hall of Fame. Mais on dirait qu'ils font ça là, comme si c'était facile de même. Garage municipal, tu en vas au Hall of Fame. Et c'est souvent. Je te demander. Il y a moins de joueurs qui ne sont pas au Hall of Fame qu'il y en a qui le sont, je pense. Et c'est souvent un concours de popularité aussi, tu sais, des critères. Des critères. Dino Ciccarelli, ça y a pris longtemps, avant d'être aimé autant de renommée. Oui. Et Dino Ciccarelli en a marqué des buts, là. C'était à la tonne. Ah oui, c'est plein, tu sais. J'oublie des noms là que je. Non, qui est juste sur le bout de la langue, qui a joué avec le Washington, qui a fini Mike Gardner. Le Gardner, tu sais. Mais il faut suivre le hockey pour savoir ça, là. Ouais. Tu sais, alors que Gordy Howe, puis Maurice Richard, puis etc., t'as pas besoin d'être un amateur de hockey. Non. C'est des noms que t'as entendus comme tous quand on était jeune, puis bon, blablabla. Tu sais, Bob Eyal, l'exemple. tu sais, il a changé quelque chose, là. Stan Mikita, Bobby Orr. Vladislav Tretiak. Tu sais, à quelque part, là, ça peut pas être tout le monde, là. Moi, je trouve que le Hall of Fame, ça devrait pas être... La bâtisse devrait pas être si grosse que ça, là. Je suis d'accord avec toi, mais ça devrait être des critères. Il devrait avoir... Ben... Au baseball, c'est 600 circuits, c'est 3000 coucheux, 300 victoires. C'est ça. T'es à Cooperstown, c'est sûr et certain. Puis encore là, c'est encore drôle, parce que il y en a comme Lee Smith. C'est Lee Smith qui lorsqu'il a pris la retraite, Lee Smith menait dans les parties sauvegardées, puis il est pas encore à Cooperstown. C'est une aberration. C'est exact. C'est pour ça que, tu sais, à quelque part, puis aujourd'hui... Force est d'admettre entre toi et moi, tu fais des lignes ouvertes demain matin, tu sais, Hall of Fame, là, faut que tu nommes les noms pour que le monde sache c'est qui, là. Tu sais, il y a tellement d'équipes, il y a 32 équipes. Tu sais, tu me demandes tout à l'heure, tu es parti en disant, mais c'est qui, d'après toi, le prochain chez le Canadien? Ailleurs, on parle Canadien. Non, mais ouais, le Canadien est ailleurs, là. Et ailleurs, faut pas tomber chez le Canadien pour ça. Donne-moi une autre équipe qui a un Hall of Fame actuellement, là, tu sais. Hall of Fame, actuellement, je peux te dire que Sidney Crosby est un futur Hall of Fame. Futur Hall of Fame. Mais tu sais, mais Crosby, ça en est un, mais il ne peut pas en avoir 50. Tu sais, la question qu'il faut se poser, exemple, je pensais à ça, puis là, ça me revient. OK, on dit Crosby. Mais pourquoi Crosby l'est avant Malkin? Puis moi, je pense que oui, là. Mais je ne suis pas capable de donner la réponse demain matin. Mais moi, ce que je sais, c'est que Crosby... Il a amené quelque chose, puis Malkin, je sais pas ce qu'il a amené, là, mais... Le charisme, le leadership qui dégage aussi, ça, c'est... Ben, tu Crosby, ça a été à partir du moment qu'il a joué, puis oui, un peu comme Gretzky, là, tu sais. Ouais, effectivement. Non, Canadien, écoute, hier, au 99, on parlait de Carey Price, et arrêtez ça, là, puis Carey Price, à la fin de la carrière, Carey Price va avoir les chiffres des meilleurs, du meilleur, probablement, s'il part pas, parce que c'est pas impossible qu'il part pas, là, s'il ne remplace pas ce gars-là, je ne sais pas comment il va pas continuer à Montréal. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'est arrivé, puis je te coupe la parole, puis je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui m'est arrivé justement à l'entraînement, puis il vient me voir, il me sardit, il dit, puis c'est un gros personnage du Canada, je le connais pas à fond, mais je le connais, le monsieur. Puis il me dit, savez-vous quoi? Il dit, vous pourrez le dire à la radio, il dit, Carey Price, il va partir de la même façon que Patrick Roy. Bon, je pense pas parce que ça aurait été mal. Patrick Roy aurait jamais parti de Montréal de cette façon, c'était mal géré. Moi, ouais, c'est ça, mais en même temps, tu sais, si les gens commencent à y tomber sa cravate, là, tu sais, c'est pas facile pour un athlète, t'as beau être qui tu voudras, t'as fait ruer, là, ou que ça fait mal. Mais j'en suis un, moi, un gars qui doute de Carey Price. Moi, ce qui me tape sur les nerfs, c'est pas son contrat, c'est qu'il est vu comme le meilleur gardien de but. Encore aujourd'hui, il est vu comme le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Tout le monde le dit qu'il est le meilleur gardien de but. Alors que dans les faits, là, écoute, Jérémy Filosa a sorti les statistiques la semaine passée, là. Alec Price, ça se ressemble beaucoup. Dans les statistiques, puis Alec a fait plus a transporté son équipe à lui seul deux rondes en 2010. Price n'a jamais fait ça. Moi, il m'a dit quelque chose, par contre. C'est ça qui me tape sur les nerfs. Oui. J'en parlais justement l'autre fois avec Pierre Lacroix. Tu sais, Carey Price, pour moi, Carey Price, ce qu'il a fait, d'abord, hein, il a rendu la situation difficile pour les dirigeants du Canadien, mais ça a été dur d'évaluer leur défenseur parce que Price a fait une bonne job. Mais ce que je voulais en venir, c'est que Price, pour moi, a empêché pendant quelques années le Canadien de se faire valoper. Parce que quand il est arrivé avec le Canadien, il n'y avait pas une grande équipe, le Canadien. Mais jamais qu'il se faisait défoncer. Si tu remarques des matchs comme hier, le 6-2, là, le Canadien avec Carey Price, c'est pas arrivé souvent. Tu es d'accord là-dessus? Bon, Alec, moi, je l'ai vu gauler junior quand il a gaulé au Maine. Pour moi, Alec n'est même pas dans la même classe que Price. Là. Pour moi, là. Je me demande. Mais regarde ses chiffres. Non, mais moi, les chiffres, là. Tu sais, il a fait ça D'abord, cette année-là, ça m'a coûté une beurrée parce que j'avais gagé contre le Canadien parce qu'il pognait Washington, Pittsburgh. Oui, Alec a fait la job, tu sais. Puis là, l'été suivant, ou l'année d'après, ou un an plus tard, tout le monde disait, ah, il faut échanger Carey Price. Moi, j'ai dit, jamais tu peux faire ça, là. Tu sais, c'est pas la même catégorie. On regarde le classement, où est-ce que les gars ont été repêchés, qu'est-ce que le gars a fait du junior. Ah ouais. Tu sais, à quelque part, dans le total. Mais moi, je suis d'accord avec toi, là. Je te le dis, moi, Price, le meilleur au monde. J'ai, à un moment donné, dans une émission de radio, j'avais sorti ça avec Robbie Moreau. C'est que je regardais les statistiques, là. Il y a plusieurs gardiens de but qui ont gagné des Coupes Stanley qui sont encore... Ben, plusieurs. Il y a des gardiens de but qui sont dans la Ligue actuellement qui Ils ont gagné des coupes cette année, Price n'a jamais gagné, là, tu sais. Mm. Alors, c'est quoi être le meilleur au monde? Tu sais, exemple, Jonathan Quick, il a deux coupes Stanley, tu sais, Murray, ben, admettons qu'il en a deux, là. Puis là, ceux-là, les défenseurs de Price vont me dire, oui, mais il a gagné avec l'équipe Canada. Mais n'importe, mais Carey Crawford à la place de Patrick Roy, il gagne pareil. Ah, ça, je pense que oui aussi. Moi, c'est une des réponses. L'équipe Canada, là, il y a n'importe quelle, il y avait une équipe pactée, là, tu sais. Ouais. En même temps, il faut que tu fasses le job. Tu sais, quand tu reçois 15-16, la force de Brodeur, moi, je trouve, puis moi, je coachais Junior quand il a commencé à Saint-Hyacinthe. Il était pareil, Junior. C'est que Brodeur, il n'y avait pas beaucoup de lancers dans un match, OK? Entre autres, avec il a gaulé toute sa vie à New Jersey. Il n'y avait pas beaucoup de lancers, mais il donnait pas de but. Tu sais, il y a des... je te compare ça parce que ce matin, je n'ai parlé avec quelqu'un, Luongo. Luongo, il est arrivé avec les Islanders, 50-60 lancés. Le monde disait, il donnait 5-6 buts. Ouais, mais tu sais, il donne 5-6 buts, il a 50-60 lancés. So what? Justement, c'est que Brodeur, c'est bien pire de ne pas avoir des lancés que de n'avoir une tonne. Parce que quand t'en as une tonne, tu donnes 6 buts, tout le monde dit, ben oui, mais il y a 50-60 lancés. Mais quand tu en as 16-17, là, faut pas que t'en donnes des buts. Puis c'est ce que Brodeur faisait, il en donnait pas. Grant Fuhr. Lui, il avait le conseil de l'équipe. Moi, je réponds toujours à ça. Parce que moi, je dis tout le temps que si t'as pas de gardien à ce jeu-là, tu gagnes pas. Mais Edmonton, à 5-5, Grant Fuhr était le sixième. Mais faut t'aille une équipe pour le faire. Et ce qui revient à parler du Canadien dans 7-8 derniers matchs, il donne 5-6 buts par match. Je disais à quelqu'un là, cette semaine, il faudra pas que Domi arrête de scorer des buts, puis Gallagher, parce que ça sera pas beau. Là. Il en donne 4-5 par game. Il en donne 4-5 par game. Ça a pas de bon sens. Là, je regardais, j'ai vu des buts en reprise hier, là. Puis le pauvre, le petit Hudon, qui est un bon petit kid, il a de la misère avec les plus et les moins. Mais je regardais hier sur une séquence que j'ai vue, il était sur la glace pour un but. Je me demande pourquoi ils ont 5-6 coachs dans la Ligue nationale. Tu sais, il y a 4 joueurs du Canadien qui se sont garochés sur le porteur de la rondelle. Là, tu sais. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Tu sais. Fait qu'à quelque part, il faut faire attention. Là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, jouer ton sujet, là, Carey Price, tu tombes dans mes cordes aussi, parce que moi non plus, je le vois pas comme le meilleur au monde, mais c'est pas un chaudron, là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il est très bon, là. Ouais, selon moi. Mais à ce stade-ci de la saison, qu'on lui donne un repos, qu'il dise lui-même qu'il y a des problèmes entre les deux oreilles, là, ça va pas bien. Ça fait deux ans que c'est le même. Deux, trois ans. Non, mais tu sais, ça fait mal au cœur quand t'entends ça, des gens, un jeune de cet âge-là, qui dit qu'il y a un problème entre les deux oreilles, tu viens de signer un contrat de 10 millions par année, y a-tu quelque chose de plus plate que dans la vie que ça, là? Et le gars, il fait, ça va pas bien. Tu sais, à ce compte-là, moi, je répondais à quelqu'un à une émission de radio récemment. J'ai dit, là, Stéphane Waite, apparemment que c'est lui qui a mis Niemi sur le piton, là. Ben, il dit, qu'est-ce qu'il attend pour mettre Price sur le piton? C'est pas Niemi, il faut qu'il soit sur le piton, c'est Price. Ouais, effectivement. Fais ta job avec Price, laisse faire Niemi, puis écoute-toi de Price. Joe, toujours intéressant, faut que je m'en aille, je m'en vais à radio aussi, à radio traditionnelle. Fait que, on s'en parle bientôt. Jeune homme, fais attention à toi, merci. Voilà, Joe Hardy, notre collaborateur.